14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Décembre, c'est la journée nationale du Téléthon. Radio Arc-en-Ciel ouvre son standard à partir de 9h jusqu'à 17h au 02 38 43 48 00. Faites-nous vivre cette journée depuis votre ville avec nos différents animateurs. Et le soir, à partir de 19h, retrouvez-nous sur la grande scène de l'espace Arc-en-Ciel au 266 rue de Faubourg-Bannier pour un grand concert gratuit avec le groupe Lord Rosser, qui nous arrive d'Angleterre, Chris Adam, qui arrive de Belgique, Crazy, Sito et Yavanna. Alors rendez-vous le 8 décembre pour cette journée Téléthon, en direct et en public, sur Radio Arc-en-Ciel. Il est pile et bien 14h02. Voilà, donc voici l'émission Music Dance comme tous les mardis entre 14h jusqu'à 17h. Et bien, je suis avec vous pendant les 3h avec les chansons. Voilà, donc et bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et puis aussi bonne matinée. Écoute aussi d'Arc-en-Ciel avec les chansons différentes pour tous. Avec les chansons françaises, mais il y aura aussi des chansons comme le country, puis d'autres morceaux. Voilà, donc on va débuter l'émission avec Franzial. Le titre s'appelle Savoir Vivre, et puis juste après Eddie Mitchell, et puis Michel Sardou. Voilà, bon après-midi à vous toutes. Du tout, ces couleurs, cette pluie qui nous tombe dessus, et toi qui souris, juste parce que c'est toi, juste parce que c'est moi, parce que c'est la vie. C'est une fête d'être là, loin des grands champs de bataille. Un détail, c'est l'amour qui remplace la haine, et qui change le problème, et qui change tout. L'important c'est sans doute de s'en rendre compte et de savoir vivre, savoir vivre, savoir maîtriser cet instant qui passe, savoir maîtriser le temps et l'espace, savoir vivre. C'est bien cette musique qui nous fait tenir debout, comme sur des fils électriques sur lesquels on danse, et qui nous emmène ailleurs, dans un monde meilleur. Et qu'elle passe, qu'elle s'efface, qu'elle ne laisse rien du tout. Qu'est-ce que ça peut faire, quelle affaire, si demain tout est perdu, du moment qu'on a vécu. Le secret c'est sans doute de s'en rendre compte. Savoir vivre, avant de se quitter, s'éteindre avant de s'éteindre. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Parfois même je danse sans insouciance. C'est ma façon d'être à moi. Même en allant à l'école, je fredonne quelques chansons. J'ai même quelques idoles dont je suis folle. Je vis ma passion, je vois ma vie à chanter. La musique, c'est ma passion. Je vis avec elle tous les jours. Je ne pense même pas aux garçons. Et de toute façon, j'ai le temps de trouver l'amour. Je ne suis pas comme toutes mes copines qui vont toutes les semaines au cinéma, qui s'achètent des magazines, font leur shopping. Ça, ce n'est pas pour moi. Je vois ma vie à chanter. We'll be right back. juste d'avoir mes 14 ans. Je veux plus d'école, je suis devenu grand. Je te promets, je te gagnerai plein d'argent. Maman, je viens de fumer ma toute première week-end. Sur les fortifs où t'aimes pas que je traîne. Je me serais tué plutôt que de refuser. Y'a pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Maman, j'aimerais chanter tout ce que sentent les autres. Ta vie, la nôtre, m'en veux pas. J'ai choisi. Maman, les tours, c'est pas toujours des ghettos. J'ai pas de passion pour les oiseaux. Mais comme j'aimerais voir ça d'en haut. Maman, je comprends mieux le regard des passants. Je vois pas comme je pense tout en grand. En couleur et sur un écran blanc. Oh, y'a pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Tu sais, je sais pas grand chose sur les choses de l'amour. Je me doute toujours. C'est pas moi, c'est pas moi qui choisis. Voici donc Michel Sardou, le titre s'appelle « Je vais t'aimer ». Arc-en-ciel. Thank you. palissade à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. À faire flamber les enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier, supplier nos mains. Je vais t'aimer, je vais. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. À faire vieillir, à faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer, je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième ciel, à se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo. Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du gris. c'était pourtant bien de danser très doux et de se fondre au point d'oublier tout autour de nous. C'était pourtant bon et moi j'étais pour finir sur les violons pour commencer l'amour. C'est joue contre joue entre deux inconnus qui n'avaient pas de rendez-vous. Mais on verra bien, c'est gagné d'avance. Les amoureux de demain vont nous inventer d'autres danses. Et si ce soir danser le dernier slow, voici Juju, voici donc Julio Iglesias avec Fidèle. Et juste après Gérard Lhomme. Fidèle à notre amour, je suis toujours fidèle. J'oublie tes cris et j'oublie nos querelles pour revenir dès que tu me rappelles. Fidèle, de mon printemps tu restes l'hirondelle, de mes chansons c'est toi la ritournelle, toi les couleurs qui font mes aquarelles. Fidèle, je suis toujours fidèle, malgré ces joies nouvelles, que je connais parfois ces aventures. Ne dure pas, mais qui me laisse pourtant chaque fois comme un regret, comme un besoin de toi, de tes baisers, de tes mains, de tes bras. Fidèle à notre amour, je suis toujours fidèle. Je garde en moi cette flamme éternelle qui réjaillit en milliers d'étincelles. Fidèle, je peux partir, je reviendrai quand même, comme un refrain, comme un ancien poème, pour t'avouer encore combien je t'aime. Fidèle, je suis toujours fidèle, malgré ces joies nouvelles, que je connais parfois ces aventures. Ne dure pas, mais qui me laisse pourtant chaque fois comme un regret, comme un besoin de toi, de tes baisers, de tes mains, de tes bras. Oh, fidèle. de mon printemps qui restait l'hirondelle, de mes chansons, c'est toi la ritournelle, toi les couleurs qui font mes aquarelles. Fidèle, oh, oh fidèle, fidèle. Tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train. Assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Yeah. mot sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait. Et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux, et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais. De 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Coupe Choc avec Christophe. Et puis demain, à partir de 7h jusqu'à 9h, avec Frankie au réveil. Et puis dans, tout simplement, à partir de 18h, voilà, 18h jusqu'à 19h30, et bien ce sera l'émission de Violette avec Traditionnel. Suivi de 19h30, 21h avec David, ça va le faire. Et puis jusqu'à minuit, entre 21h et minuit. Avec Lib. Et puis donc pour le vendredi, non, pour le vendredi, le jeudi quand même avant, vers le matin, entre 9h et 11h, avec Armé Giraud, avec l'émission Vase de Portugal. Chris, et puis donc face à face. Oh. me faire part de tes sentiments. Hey, toutes les petites histoires qui te chagrinent tant, raconte-moi, je veux tout savoir. Pourrais te lire au travers. Oh, surtout n'oublie rien. Je veux être le témoin de tes victoires, tes galères. Oh, oh, oh, oh, oh. Toi, tu souriras, me regarderas. Moi, je dirai, je sais pas. Oh, on recommencera. Et brisons la glace, plongeons tout droit sous la surface. Oh, en mode sous-marin, là sur on est bien. Et si nous deux et là-bas, rien. Hey, yeah. Toi, tu souriras, me regarderas. Moi je dirai, je sais pas. Yeah. et plus j'essaie, plus je peux me tromper. Car je m'effondre quand je cherche seulement à m'envoler. Veux-tu m'apprendre à aimer? Je vais m'accrocher. Me donner toutes les chances. Même si je me suis blessé. Arc-en-Ciel. Voici donc Indra, et puis juste après le morceau de country comme promis. I'm gonna tell you what I want to do with you, boy, yeah. Gonna tell you what you do to me. You do too. la valse au clair de lune. Je croyais notre amour éternel, mais quand le jour est revenu, mon amour a disparu et mon cœur s'est brisé pour. Que l'on jouait, je l'ai gardé dans mes souvenirs, car j'ai perdu mon grand amour au Tennessee une nuit par une valse au clair de just one more stop to pick up a ring and a little rock, then I'm gonna hit this semi straight for home. 14 wheels are whining, four of the headlights shining, him and that semi been away too long. Hope he don't get stopped for speeding, cause I've got everything he's needing waiting for him right here at home. He's got that big old engine singing my favorite song, and I know he's heading my way, rolling down that highway. Tonight my baby's coming home. For 10,000 miles I've missed him. It's been a week since I kissed him, and 40 truck stops since I held him tight. Million chicks and he can't get them. They want to make love but he won't let them. The only thing he wants he'll get tonight. He's got that big old engine singing, singing my favorite song. And I know he's heading my way, rolling down that highway. Tonight my baby's coming home. And I know he's heading my way. Trop s'aimer. Arc-en-Ciel le samedi 15 décembre à partir de 17h sur le marché d'Ormes. Nous serons en direct pour vous faire vivre depuis la place du marché l'esprit de Noël à Ormes. Rendez-vous samedi 15 décembre à partir de 17h avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc retour avec les chansons avec Madame Corinet avec le titre Une fille dans le temps et puis juste après avec Sophie Marceau, voilà, et une des chansons avec Bye Bye et puis d'autres chansons différentes. Avec les mélodies, comme une âme qui prédit. La force de mes ambitions étouffe vos pressions. Je milite pour un monde où tous les rêves sont permis. Je suis une nouvelle règle du jeu, je donne là à tous ceux qui se battent pour. suis pas là par hasard, c'est que j'ai su combattre la vie des gens trop bavards en sachant m'en débattre. Je mets les points mon doute tous les Dans mes nuits sans sommeil, mes désirs qui s'éveillent, je te sens, tu es là, mais ce n'est plus vraiment toi. Je n'ai plus le contrôle, ton envie sûrement cassée. Laissez les bras de ce salaud toucher à la peau de ma peau. sois pas à la hauteur. Quand les enfants s'en vont, parfois sans larmes et souvent sans façon. Quand les enfants s'en vont, reste le bruit de l'enfant qui a grandi. Quand les enfants s'en vont, les bleus à l'âme reviennent à la maison. Bédac et le titre tout simplement La meilleure du monde, et puis juste après deux titres différents de Kenji Girac. Quand le soleil efface toutes les farandoles, on se voile la face derrière des banderoles. Quand le champignon pousse, nos enfants sont sans voix, perdus dans la secousse, ils deviennent hors la loi. Les armes se vendent comme des petits pains. Nos enfants se demandent ce que leurs pères ont d'humain. Quand tout va pour le pire dans le meilleur des mondes, tous nos enfants soupirent, l'avenir est immonde. Se confondent au présent. Nos enfants doivent croire que c'est dans l'air du temps. Quand la folie des vents s'essouffle sur la terre, dans votre camp, les enfants lavent notre cratère. Quand notre écho regarde notre nombril incul, nos enfants sur leur garde se méfient des adultes. Quand on va pour le pire dans le meilleur des mondes, tous les enfants se tirent, mendient et vagabondent. Je suis le vent du destin qui me porte au loin. Jamais seul, toujours ensemble. Une famille qui nous ressemble. L'un chez l'autre, l'autre chez l'un. Un bonheur quotidien. S'évader, vivre au présent. Nous partons vers le sud. Loin des villes et de leur solitude. Si tu pars. De fanfare, vers la relation m'a pas pris. Elle sait que je le prendrais mal si je revenais à la vie. Pourtant j'y croyais tellement. Je laisse tomber. Tu m'aimes pour tout ce que je ne suis pas. Je laisse tomber. Tu m'aimes pour tout ce que je n'ai pas. Je laisse tomber. La vie de rêve, j'en rêve sans toi. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Je laisse tomber, choisis tout est plombé. Je sais que tu n'aimes que toi. Déçu, parti, je laisse tomber. Choisis tout est plombé, la vie de rêve sera sans toi. Déçu, parti, je laisse tomber. Choisis tout est plombé, je sais que tu n'aimes que toi. Pourtant j'y croyais tellement. Je laisse tomber. Tu m'aimes pour tout ce que je ne suis pas. Je laisse tomber. Pour tout ce que je n'ai pas, je laisse tomber. La vie de rêve, j'en rêve sans toi. Je laisse tomber. Je laisse tomber. on fut refus de voir les nuances de la vie, c'est resté devant son miroir. Sur cette terre sous perfusion, combien de guerres ont tué sans raison. Sur cette terre multicolore, combien de frères d'innocents sont morts. Juste pour satisfaire la folie des grands, de ces militaires aveuglés par le sang. Moi je dis la haine et la vengeance des cons, de ceux qui n'ont rien compris aux couleurs de l'horizon. Moi je dis la haine, c'est le refus de voir les nuances de la vie, c'est rester devant son miroir. Sur cette terre qui chavire, trouve des repères si tu veux grandir. Sur cette terre d'intolérance, y a trop de haine, trop de souffrance. Vengeance des cons, de ceux qui n'ont rien compris aux couleurs de l'horizon. Moi je dis la haine, c'est le refus de voir les nuances de la vie, c'est rester devant son miroir. Moi je dis la haine et la vengeance des cons, de ceux qui n'ont rien compris aux couleurs de l'horizon. Moi je dis la haine, c'est le refus de voir. De 14h jusqu'à 15h, et bien vous allez retrouver côté association avec Fabien juste après 15h, 17h avec Chantal, Punch en musique, puis à partir de 17h, 19h, Christine avec l'émission Portugal Nous Corésiens. Et puis juste après, entre 19h et 20h, avec tout simplement Louis et Jackie, Noche Famanka. Et puis entre tout simplement 20h, 22h, avec Pierre, avec l'émission Pierre Chaud. Et puis donc vendredi, entre 9h midi, avec Vera, Espaço Musica. laisse avec tout simplement Amir et puis son titre s'appelle tout simplement Le cœur de moi. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'âme. chanter. Du soleil, et puis juste après Claudio Capello. Depuis toujours, elle berce mon enfance, courir dans ses rues, goûter sa lumière, grandir ici dans le sud de la France. Entendre chanter les accents de la mer. Je viens d'ici, je suis une fille du soleil. Je danse sur le sable, dans le bleu du ciel, mes sourires dans les vagues. Que mueve tu cuerpo, ahora vamos pa' gozar. Aprovecha el momento en la arena del mar. Mueve tu cuerpo, ahora vamos pa' gozar. Aprovecha el momento en la arena abbraccia al momento e l'arena del mar. Fille du soleil, je danse sur le sable, dans le bleu du ciel, mes sourires dans les vagues. J'ai perdu ma route, je parviens même pas à réaliser. Paralysé, j'ai perdu ma route. Quand on fait mal, comment se racheter? Dis-moi la douceur, combien ça coûte? On ne comprend pas comme un étranger. Je peux plus bouger, j'ai perdu ma route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nous? Déjà rouillé, j'ai perdu ma chance. J'arrive plus vraiment à me débrouiller. J'ai dérouillé, j'ai perdu ma chance. Il me reste un espoir dans tes yeux. Mon espoir à moi est bien trop vieux. Le temps finit par tout éprouver. J'ai pas trouvé, j'ai perdu ma chance. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nous? C'était fait que pour chanter. Et puis t'as pris ma main et tu m'as réparé. Je ne croyais plus vraiment en l'amour. Et puis un jour j'ai croisé ta route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève. Sur quel ciel pourrait-on s'aimer? En pleine chaleur, j'vois les gars disonner, faire des béquilles en Pfizer. Les flics te font danser le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Marseille c'est la plage, le foot la gratte en pleine chaleur. J'vois les gars disonner, faire des béquilles en Pfizer. Les flics te font danser le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de loin, ouais, faut qu'ils le sachent. C'est Marseille, gros, ils le savent. Sauver de l'eau, ouais, ma zig se sale. Casquette, lunettes, ouais, ça sonne en poche. Esquive les képis, la barrette en poche. Toll, sweep, entretien d'embauche. Évite les conneries, la daronne prend de l'âge. 500 boucanes pour faire 5-5. Cherche des vaillants pour venir zing-zing. Au quartier, les gens, ils deviennent ding-ding. On est entre nous, tu peux poser le fling-fling. Suffit des mecs, viens devenir clochards. Et des clochards, devenir patron. Tu veux savoir pourquoi je fais pas la star. L'argent, tout ça, ça m'attire pas trop. Sous du joule, ça prend papa. Repose entre les mecs d'en bas. Un frère libre appelé oui, papa. Tu veux nous tester pas là-bas. C'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. J'vois les gars disonner, faire des péquilles en Pfizer. Les flics te font danser le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. J'vois les gars disonner, faire des péquilles en Pfizer. Les flics te font danser le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Marseille, Marseille, la vida loca. Moi, il est couscous à loco. Rami poker au local. Alzheimer au comico. Une carte postale vue de l'hélico. Une carte bestiale vue de Norito. Dis pas trop de place quand t'es au bigo. Ne salis pas le club d'Anigo. On veut le million de Jean-Pierre Foucault. On parle bizarre pour les parigots. Tu dis t-shirt, nous on dit tricot. Mon gars, on n'a pas le même dico. Le col levé comme Cantona. Pas d'à tomber du conteneur. On s'embrouille pas au katana. Y'a tous les continents à continent. Mais on réfléchit vite pour les gros. Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. J'vois les gars disonner, faire des péquilles en Pfizer. Les flics te font danser le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. J'vois les gars disonner, faire des péquilles en Pfizer. Les flics te font danser le moonwalk à coup de taser. J'ai fait le blanc, c'est que j'peux au girl. Ça veut te tacler ta go quand tu fais la queue au drive à McDo. Ça veut la Rolex, la Hublot avec l'or caché dans le sac à dos. Ça tourne en TDM ou en zip, fais le plein gratuit à BP ou à Jeep. Y'a que du réel dans ma zig, sauf radio, Joule, toujours un classique. Toujours un classique, toujours dans la zig, à te décrire la bonne mère. Entre les trafics et l'école publique, les jeunes n'ont plus de repères. Un besoin de flics qui te pousse au crime, qui te mène chez le commissaire. Tes parents addicts, l'ennemi réplique, encore un jeune con. Y'a du positif, y'a des jeunes actifs, loin de la pénitentiaire. Y'a des joujoules, des soprans baba, en haut des charts pour les frères. Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. J'vois les gars disonner, faire des péquilles en Pfizer. Les flics te font danser le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Marseille, c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. J'vois les gars disonner, faire des péquilles en Pfizer. Thank you. à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. De passer une merveilleuse nuit de la Saint-Sylvestre? Alors rendez-vous le 31 décembre au restaurant Polo et Marie où vous passerez un nouvel an inoubliable. Un menu de fête très copieux vous est proposé, mais attention, les places sont limitées. Alors réservez vite au 02 38 43 30 37 ou bien sur place au 39 rue André Dessau à Fleury-les-Aubrais. Et en plus, pour vous faire danser toute la nuit et jusqu'en 2019, le grand artiste Rui Bandeira partagera avec vous ce grand moment. Voilà donc en retour avec les chansons et c'est Perlops, c'est le titre, s'appelle Le Petit Enfant, et puis juste après Sylvie Vartan. Marche dans le vent, ne laisse pas passer le temps. Tu rêves d'une vie nouvelle, sans savoir ce qui t'attend. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, en ce jour tant rêvé. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, en ce jour où tu es né. Dès l'envol de ton berceau, le monde, les yeux dans les étoiles, tu voyages dans ta tête. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné dans ce lait maternel. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné dans cet amour éternel. Pas que tu as fait, dans mes bras tu es tombé. J'ai ri de ta surprise, avec des larmes de joie. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, en ce jour où tu as grandi. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, en ce jour où tu es parti. Un geste, un sourire, un baiser, un regard, une larme, une douce caresse. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, aussi longtemps que tu vivras. Mais n'oublie pas ce qu'on t'a donné, aussi longtemps que tu seras. De l'amour, pour toujours. De l'amour, de l'amour pour la vie. De l'amour, de l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour pour la vie. De l'amour, de l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour la vie. De l'amour, de l'amour pour toujours. Oui, de l'amour, de l'amour pour la vie. Tout ici bas. Tout, rien de temps pour changer. suis coin coincé et je ne comprends pas. Pourquoi crotte pas, j'y arrive pas. Cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat. Faisait la maman poule. Cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat. Faisait tout sa poule. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin. Faisait le petit canard. Quand on est fier d'être une poule, on fait pas ça. Et pas coin, coin, oh là là. Soudain un grand malheur arriva. Un poussin dans le bassin tomba. Au secours, mon fils va se noyer. Faites quelque chose ou je vais m'abîmer. Le petit canard sans hésiter plongea dans l'eau froide et glacée. En duo, c'est Peter Sloan et puis juste après Renaud. Un peu de tendresse et trois fois moins de discours. La beauté du geste, tout le plaisir en retour. L'élan gigantesque, l'élan du cœur entre nous. Moi je suis pour wow, wow. Un peu de tendresse, mais sans délaisser l'amour. Le feu des caresses, sous la douceur du velours. Se donner sans cesse, sans retenue, sans détour. Toute la tendresse Emporte-moi, étonne-moi ce que tu as. Je suis à toi. Qu'est-ce que je l'ai entre tes bras, je meurs de joie. Étonne-toi, emporte-moi, je ne résiste pas à ce sentiment-là. Étonne-moi, révèle-toi et laisse-moi presque sans voix. Emporte-moi, étonne-moi. J'ai gravé profond sur le tronc d'un arbre ton nom et mon nom avec un couteau. Ainsi bel amour, ça s'écrit en grand, tout simplement pour le dire aux passants et puis aux oiseaux. L'arbre est mort un jour, ainsi va le temps, notre tendre amour est toujours vivant. Princesse, à côté du mien, c'est comme l'adresse où je suis certain d'oublier ma peine. Nos noms réunis pour une chanson, toi la mélodie et moi le crayon, l'encre de mes veines. Gravé sur l'alliance de nos épousailles, la coïncidence de nos initiales. Écrira au-dessous du lierre, un jour loin de là, nos noms côte à côte. Pour l'éternité, ton nom, ma colombe, sera emmêlé au mien sur la tombe, pareil à nul autre. Les gens peut-être diront c'est de là, Roméo, Juliette, c'est moins que ça. Les gens peut-être diront c'est de là, Roméo, Juliette, s'aimer moins que ça. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux. Tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train. Boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris. Toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. Les trains de banlieue se

m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois. C'est la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine quand c'est me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Le pire, est-ce la femme d'amour qui deviendra sorcière? Est-ce la vie qui court qui deviendra poussière? L'amour d'un enfant qui nous clouera les ailes au temps. Aimer pour un rien, on a les amours pour Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici donc quelques morceaux portugais et on se retrouve avec d'autres chansons. Por favor, sirva aqui na minha mesa. Por isso que eu bebo e choro. É dor demais para um só coração. Em cada gole eu sinto meu peito degustar por dentro a solidão. É por isso que eu bebo e choro. O meu caso não tem solução. Mais uma noite que eu vou dormir embriagado de paixão. Se acaso eu chorar, tenta-me entender. Sem o meu amor, para minha tristeza. Toda vez que eu penso nela, coração dispara. Garçom, marca mais uma aí na minha conta. E por favor, sirva aqui na minha mesa. É por isso que eu bebo e choro. É dor demais para um só coração. Em cada gole eu sinto meu peito degustar por dentro a solidão. É por isso que eu bebo e choro. O meu caso não tem solução. Mais uma noite que eu vou dormir embriagado de paixão. Mais uma noite que eu vou dormir embriagado de paixão. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Sous un cierge allumé, qu'as-tu vu de plus éteint qu'un cœur perdu par ses roulants de chagrin, qui a peur de sourire, se marre de rien et se perd en chemin. Ce n'est qu'une chanson qui se joue des façons et de nos émotions. Alors, qu'y a-t-il de plus fort qu'un instant, qu'un accord qui se fout du décor? Et c'est pour toi. Non, je ne pense pas qu'à moi. Les sentiments ne suffisent pas. Faut-il y croire encore? Tu crains tes souvenirs, mais te caches si bien, échappé au destin. Alors, ce n'est qu'une chanson qui se joue des façons et de nos émotions. Alors, ce n'est qu'une chanson qui se fout des raisons et de nos illusions. Et c'est pour toi. Je ne pense pas qu'à moi. Les sentiments ne suffisent pas, car il faudrait enfin, crois-moi, que tu me regardes pour une fois. Et c'est pour toi. Non, je ne pense pas qu'à moi. Les sentiments ne suffisent pas. Voici donc Mirana avec Lily, et puis suivi de Claude Barzotti. D'accord, d'accord. plusieurs années sont passées. Au lieu de nos années lycées, notre destin est lié. Notre histoire ne s'est jamais. Elle est appelée Lily. Je la veux pour la vie. Elle est ma femme la fille. On s'en est promis. Elle s'appelait Lily. Je la veux pour la vie. On s'est tout de suite compris. Oh Lily. Oh Lily. Je ferai tout pour elle. J'avancerai avec elle. Chez moi, mon amour pourrait s'inquiéter. Patron ne ferme pas le bar, buvant encore à ma santé. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Il est mort l'été, l'amour et le soleil séparés. Il est mort. Voilà, donc c'est sur cette chanson qu'on va se quitter. Donc on va se retrouver vendredi entre 14h jusqu'à 17h. Et puis donc, dans quelques heures, et bien à partir de 19h, vous allez retrouver l'émission du rock. Voilà. Et bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Et puis donc, avec du hard rock, tout cela. Et donc, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Yeah. On dormait sur le sable chaud.